Bonjour à tous. Aujourd'hui, omelette aux oranges pour 4 personnes. Vite frais, 2 oranges non traitées, 10 centilitres de crème fraîche entière, 50 g de beurre pour la cuisson et une pointe de sel. Dans un saladier, cassez les œufs, assaisonnez légèrement, ajoutez le zeste d'une orange hachée, faire les segments des oranges, les couper en petits morceaux. Pressez le cœur de l'orange pour récupérer le jus. Poêlez les dés d'orange, les confire 5 minutes. Faire une omelette individuelle, décorer avec la chair d'orange confite et entourer de son petit jus. Un petit vin conseillé, un rosé de Provence, à boire avec modération.